Et on va tout de suite enchaîner avec le récap de la veille, qui nous a été envoyé finalement cette nuit par, j'ai fait n'importe quoi, par Jeanne 7. Et ce qui était vraiment une très bonne idée. Parce que sinon, elle devait se réveiller chaque matin à 7h du mat pour faire ça. Et là, elle a pris un autre rythme. Et je crois que ça lui a fait un bien fou. Allez. Oui, moi aussi j'espère. C'est limite, limite là, le timing. Vite, vite, vite. Le bruit du ticket. Billet magique. Donne. Donne la musique. Oh là là. Tout au. Project our voices into the future, or we would love to be able to have our voices behave like a bridge to meet other people. The voice can act like touch. But now I don't know if I believe any of this. And it's really sad. No. But I'm gonna continue researching how to do this. And one thing that I will do now in all of my performances is I play a vocal recording recorded from prison, I think about 8 years ago. It sounded like it was recorded with a shoebox. It's terrible. It's of a political prisoner. His name is Walid Daqqa. He was killed in May or March of last year. He spent 38 years in prison. When he was a teenager, he went to prison. He died there. And there's something about his voice, you know, I find it very inspiring. And I think that if music can do nothing, if music has failed, if we will continue to do the genocide, then at least let us be haunted by the dead. And at least let there be voices that continue after they're gone. And at least let there be continued vibrations. I think that sound behaves, acts on the future. When I say something, by the time it reaches you, it's already the future. You know, by the time it touches your physical skin. Turn your phone off. Or don't. Do what you need. Sometimes you can have the worst. Anyway, sound reaches into the future, and I want the sound of the dead to continue into the future. It's a completely hopeless message. I'm here to give you hope. And I hope that's okay. That for now, all we have is mediating with the dead and being haunted. And after there is no more Israel and no more genocide and no more constant maiming and killing of children, we will still be haunted. I think they now regret inviting me to this festival. Great. I hope there's something in this for you, and I apologize that I cannot bring anything sweet anymore. This is where we are. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. C'était magnifique, merci. Merci beaucoup, merci. Merci, j'avais des questions. Moi, j'essaie beaucoup de gens sont curieux par rapport à ces objets. C'est un peu. Ah, c'est de Soma? Ouais, c'est ça, c'est Soma qui le font, c'est Adina, c'est. Comme ça, mais enfin, c'est censé être un peu un virus à la deux cordes, mais je ne le joue pas comme ça, comme vous l'entendez. Ouais, ouais. Comme ça, mais si vous voulez jouer, si vous pouvez, il n'y a rien qui est précieux. Est-ce que je peux essayer quoi. Mais bien sûr. Taking off the jacket. Vous savez, Alors le test. Test. T'en penses quoi? Ça se passe. Ça c'est classe ça. Ça c'est cool. J'ai jamais vu un truc comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu basé sur des instruments de folk, enfin, anciens folkloriques du bled, mais. Bah, la fois méga contemporain quoi. Ouais. C'est pour ça que je suis fan. Ça ressemble à une épée aussi, ouais. Faut le préciser quand même. Ouais. Ou une croix à l'envers. Ça fait 25 ans, oui, c'est passé là. C'est très très bien. D'ailleurs, ça vient à la déroute. Voilà, ça fait 25 ans que ça existe. Et ouais, c'était le 25e anniversaire. Petit coquin, ouais, bien sûr, bien Nadan, bien sûr. Qui m'envoie des élastiques ouais. De l'autre côté ouais, de la salle. Mais c'est très cool comme idée. Non, je sais pas. Mais ça marche pas sur la guitare électrique, que sur la guitare acoustique. En plein dans le mille. Comme ça et non, comme ça. Bam. Il faut une rosace en fait. Ouais. Il y a trop de conversations autour de moi, je suis perdue. C'est pas sitar indien, c'est Alpine. Des plateaux avec des enfants. J'essaye maintenant, j'ai trouvé un luthier, un ami. Pour pouvoir jouer avec un archer. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas du son. Ouais, c'est ça. T'es toujours en vie? Ouais, c'est ça, là, elle est là. Je crois pas. On n'est jamais sûr. Parce qu'on n'est que lundi, hein. Donc... Mais ça va pour un lundi? C'est un beau lundi. Ah, ok, ok. Bon, c'était des beaux concerts. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Je vais bien dormir après. Moi aussi. Mais c'est cool. Super chaussette, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée, ciao. Maybe put the video for you.